الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. Notre cher, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: beaucoup de jeunes gens et d'autres, pas uniquement les jeunes, de ceux qui n'ont pas appris la science de la religion, beaucoup de jeunes gens, mais pas uniquement les jeunes, même d'autres qui n'ont pas appris la science de la religion, ils sont laissés pour compte. Ils négligent certaines choses très importantes. Ils ne se nettoient pas après avoir uriné. Beaucoup de jeunes hommes et jeunes femmes, ne se nettoient pas après avoir uriné, et ceci fait partie des grands péchés. La plupart des causes du supplice dans la tombe est à cause du fait de ne pas se nettoyer après avoir uriné. La plus grande des causes du supplice dans la tombe est à cause du fait de ne s'être pas nettoyé après avoir uriné. Ainsi, dans le Sahih de Al-Bukhari, Ibn Abbas, que Allah l'agré lui et son père, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès de deux tombes. Et il a dit: innahuma la yu'adhaban. Wa ma yu'adhabani min kabir. Qui signifie, c'est-à-dire deux tombes, c'était deux musulmans qui étaient enterrés. Et le prophète a dit ce qui signifie: Allah le lui a dévoilé. Allah lui a fait voir l'état de ces deux musulmans qui étaient enterrés. Il a dit, ce qui signifie en français, ils sont en train de subir un supplice. Dans leur tombe, ils ont un supplice. Ils sont en train d'être châtiés pour quelque chose que les gens ne considèrent pas comme grave. Le prophète a dit, pour quelque chose que les gens ne considèrent pas comme étant grave. Puis il a dit: bala, amma ahaduhuma, فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ Ce qui signifie, ils sont en train de subir un supplice, en réalité, pour quelque chose de grave. C'est-à-dire, ce que les gens, certains, ne considèrent pas comme grave, en réalité, c'est grave ce qu'ils ont commis. Quel était le péché de l'un des deux? L'un des deux, il faisait du colportage de paroles pour semer la zizanie. Il rapportait la parole des uns aux autres pour semer la zizanie entre les musulmans. Et le deuxième, il ne se nettoyait pas après l'urine, justement. C'est-à-dire qu'après avoir uriné, il ne se nettoyait pas correctement, il ne faisait pas l'istinja. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, a demandé une tige verte d'une plante. Il l'a coupée en deux, moitié. Il a planté une première moitié sur une tombe et l'autre moitié sur l'autre tombe. C'est-à-dire une tige qui était encore verte, qui n'est pas sèche. Il a planté une sur une tombe et l'autre sur l'autre tombe. Puis il a dit, alayhi salatu wassalam, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. C'est-à-dire, puisse cela être une cause pour les soulager dans leur tombe tant que ces tiges ne deviennent pas mortes, tant qu'elles ne sont plus, il n'y a plus de sève dedans. Quelle est la moralité? Il y a plusieurs moralités de ce hadith rapporté par Al-Bukhari. Une première moralité, c'est que il y a un supplice dans la tombe. C'est que dans la tombe, il y a véritablement un supplice, c'est-à-dire que la personne qui sera enterrée va reprendre conscience et va avoir à nouveau la perception sensorielle. Deuxième moralité, ne pas se nettoyer après avoir uriné est un grand péché qui est une cause pour avoir le supplice dans la tombe. Donc ce n'est pas quelque chose de négligeable, il ne convient pas de négliger cela. Autre moralité, c'est que la tige verte est utile pour celui qui est dans la tombe. Pourquoi ? Parce que nous avons appris par ailleurs que la tige verte, elle fait le tasbih. C'est-à-dire, le tasbih pour nous, c'est de dire Subhanallah. Donc ça veut dire que c'est bénéfique, ce tasbih est bénéfique et profitable. Autre moralité, le mort peut tirer profit de certaines choses, notamment, en l'occurrence ici, le tasbih de la plante. La plante qui fait du tasbih est bénéfique, puisque le prophète a dit qu'il espère que cela allait les soulager. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut amoindrir le supplice, voire l'arrêter totalement. Autre moralité qui n'est pas dans le texte même de ce hadith, mais qui est une déduction de ce hadith, c'est que si le tasbih d'une plante est utile pour quelqu'un qui est mort, à plus forte raison, la récitation du Coran par un musulman est profitable pour celui qui est enterré. Donc si quelqu'un récite le Coran, un musulman qui récite le Coran en faveur d'un mort, est à plus forte raison plus profitable qu'une tige, qui est un objet inanimé, qui n'est pas un être vivant. Une branche, ce n'est pas un être vivant. On dit que la plante, sa vie, c'est sa croissance. C'est le fait, la vie des arbres, la vie des plantes, c'est le fait qu'elle croît, qu'elle grandit. Mais ce n'est pas un être vivant qui a une âme. Ce n'est pas comme un mouton ou un chameau qu'on égorgerait. Quand on voit bien qu'il a des mouvements qui indiquent qu'il meurt, c'est lorsque l'âme sort de son corps, il y a une réaction qui n'est pas la même que si on coupait la branche d'un arbre. Ceci est quelque chose d'observable, qu'on peut constater. Donc voilà entre autres les moralités de ce hadith. Et ce que nous allons évoquer en particulier ici, c'est ce qu'il y a dans la tombe comme supplice. Beaucoup, la plupart du supplice dans la tombe est à cause du fait de se n'être pas nettoyé après avoir uriné. Après le fait de ne s'être pas nettoyé après avoir uriné, la deuxième principale cause de supplice dans la tombe, c'est an-namima. Allah Ta'ala dit « Hammazim masha'im binamim ». Qu'est-ce que ça veut dire « Hammazim masha'im binamim » C'est-à-dire, c'est celui qui rapporte la parole des uns aux autres pour semer la zizanie. Il vient, il va voir le premier, il lui a dit « Un tel a dit de toi telle chose ». Il va voir le deuxième, il lui a dit « Un tel a dit de toi telle chose ». Pour qu'ils se mettent en conflit, pour semer la zizanie entre deux musulmans. Ceci est un grand péché. Ceci est un grand péché. C'est la deuxième principale cause de supplice dans la tombe, après le fait de ne pas se nettoyer après avoir uriné. Beaucoup de gens ils se trompent parce que si une tombe est ouverte, ils ne constatent rien du tout. Ils n'observent rien. Mais ne pas observer le supplice n'est pas une cause que le mort ne subit pas de supplice. Certains, ils ouvrent la tombe, ils ne voient pas ni un serpent, ni de la fumée qui sort. Mais Allah Ta'ala voile beaucoup de choses à nos yeux et à nos oreilles. Beaucoup de choses, nous ne les voyons pas et nous ne les entendons pas. Mais ceci n'est pas une preuve que ces choses n'existent pas. Mais il arrive que certaines choses soient dévoilées pour que ça serve de leçon pour ceux à qui cela a été dévoilé. Notre cheikh a dit, il y a un homme de Médine qui m'a rapporté qu'un homme de la région de Younboa, cette ville s'éloigne de Médine d'environ 200 ou 180 kilomètres. Younboa, qui est à 180 kilomètres environ de Médine. Cet homme a rapporté à notre cheikh, il lui a dit, un homme de notre région est mort, un homme de notre région est mort, et nous voulions l'enterrer. Nous avons creusé la tombe, et quand on a ouvert la tombe, on a voyé qu'il y avait un serpent qui attendait. On a laissé cette tombe-là, on a ouvert une autre, on a creusé ailleurs. Là encore, on a creusé, on a trouvé un serpent qui attendait. On a creusé une troisième fosse, et on a retrouvé ce serpent qui attendait encore. C'est alors qu'on l'a laissé avec le serpent. Pourquoi ? Parce que ils ont pensé qu'il fait partie de ceux pour qui Allah a voulu le supplice dans la tombe. Ceux-là, ces gens-là, Allah leur a fait voir pour que ce soit une moralité. La preuve, c'est qu'ils étaient, ils l'ont vu et ils en ont parlé. Et ça, c'est arrivé jusqu'à nous. Allah leur a dévoilé ce serpent pour qu'eux puissent le voir. Mais ce n'est pas un serpent comme ceux qu'on pourrait voir sur terre. Mais c'est un serpent particulier que Dieu a créé pour ceux qu'il veut supplicier dans leur tombe. Et c'est pour une sagesse que Allah ne montre pas à tout le monde de telles choses, mais qu'il les montre à certaines personnes. Et il voile ces choses à la majorité des gens, aux yeux de la majorité des gens. Cependant, celui qui a la certitude qu'il va mourir un jour, celui qui a la certitude qu'il va mourir un jour et qui applique ce qui lui est parvenu de la part du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il va éviter ce qui est une cause pour le supplice dans la tombe, comme le fait de se salir avec l'urine. Il n'est pas permis de se salir la peau ou les vêtements avec le reste de l'urine. Il n'est pas permis de se salir la peau ou les vêtements avec le reste de l'urine. C'est interdit, c'est un grand péché. C'est une cause pour le supplice dans la tombe. Donc comment faire alors ? La personne attend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'urine, qu'il ne sort plus rien. Après cela, la personne fait al-istinja avec de l'eau. C'est ce qui est le mieux. Le mieux, c'est de faire al-istinja avec de l'eau. Ou avec du papier ou une pierre. Ou du papier ou une pierre. Pour l'homme, la pierre ou le papier, ou l'eau, ou un bout de bois, ou tout cela est valide pour le istinja. S'il se limite à utiliser une de ces choses-là, s'il se limite à utiliser le papier, il n'est pas obligé d'utiliser l'eau. Dans la loi, ce n'est pas interdit. Il peut se limiter à essuyer avec du papier. Et même s'il fait après le wudu et il fait la prière sans avoir fait le istinja avec de l'eau, sa prière, elle est valable. Mais pour la femme, les savants ont eu des avis divergents. Concernant la femme, les savants ont eu des avis divergents. Certains savants ont dit que ce n'est pas suffisant à la femme d'essuyer avec un solide, comme la pierre ou comme un papier. Certains savants ont dit que la femme doit impérativement utiliser l'eau. Mais certains savants, dans l'école Shafi'ite, ont dit qu'il est permis, c'est-à-dire c'est suffisant à la femme d'utiliser un papier, par exemple, ou une pierre, ou ce qui est de cet ordre. Les fils d'Israël, dans leur loi, ils avaient une loi, un jugement qui était encore plus contraignant. Les fils d'Israël avaient un jugement qui était plus contraignant. Allah a révélé à leurs prophètes que c'était obligatoire dans leur loi que si jamais une goutte d'urine tombait sur un vêtement, ils devaient couper ce bout de tissu et le détruire. Dans leur loi, Allah a révélé à certains de leurs prophètes que si une goutte d'urine tombait sur un bout de tissu, ils ne pouvaient pas le laver comme c'est le cas dans notre loi, mais ils devaient découper ce bout-là et s'en débarrasser. Ce n'est pas suffisant de laver le tissu qui est touché par l'urine avec de l'eau chez eux. Ce sont des communautés qui ont existé avant notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que toutes les communautés, tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés sont musulmans. Ils ont tous appelé les gens à adorer Allah et à ne pas lui attribuer d'associés. Tous les prophètes ont appelé leur communauté à adorer un Dieu unique qui n'a pas de ressemblance avec ses créatures, qui n'a pas de fils, qui n'a pas de père, qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas, qui existe, qui n'a pas besoin de ses créatures, il n'a pas besoin des endroits, il n'a pas besoin du temps, il n'a pas besoin des anges, il n'a pas besoin des actes d'adoration de ses créatures. C'est pour cela que nous disons que Dieu existe sans endroit et sans comment. Il existe sans endroit, c'est-à-dire il n'est pas au-dessus du trône, il n'est pas dans le ciel, il ne se déplace pas en montant et en descendant. Il n'est pas de ceux qui ont un comment. Le comment, ce sont les caractéristiques des créatures, comme la forme, comme le fait d'être en mouvement ou d'être immobile. Ce sont des caractéristiques des créatures. Allah, il n'est pas concerné par le mouvement ni par l'immobilité, car le mouvement et l'immobilité, ce sont les caractéristiques des corps. Et comme Allah n'est pas un corps, il n'est pas concerné par le mouvement ni par l'immobilité. On ne dit pas, on ne sait pas Allah comment il est, on dit, on sait que Allah il est sans comment. Ça c'est la conviction et la croyance et c'est la vérité. Puisqu'il est le créateur du comment, il est sans comment. Il est le créateur des endroits, il est sans endroit. Il est le créateur du temps, il ne dépend pas du temps. Allah est un être qui existe, dont l'existence est obligatoire selon la raison, parce que tout ce monde est une preuve de l'existence du Créateur. Et Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Et ceci est tiré du Coran, de la parole de Allah, « Laysa kamithlihi shay » qui signifie « absolument rien n'est tel que lui ». مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Donc, tous les prophètes sont venus avec la même croyance. Mais ce qui distingue des messagers les uns des autres, ce sont les lois, les jugements. Dans la loi de notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si une goutte d'urine tombait par inadvertance ou même volontairement sur un bout de tissu, pour le purifier, il suffit de le laver avec de l'eau. dans des lois de prophètes antérieurs qui étaient aussi musulmans, qui étaient envoyés aux fils d'Israël. Il n'était pas suffisant de laver avec de l'eau, mais il devait découper cette partie qui a été tachée avec l'urine. Certains prophètes antérieurs avaient des jugements qui étaient plus contraignants que les jugements que nous avons, nous, dans la loi de notre maître Mohammed, alayhi salatu wassalam. La communauté de notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a fait miséricorde. Allah nous a fait miséricorde par une loi qui est moins contraignante que les lois des prophètes antérieurs. Allah nous a allégé des choses qui étaient plus difficiles chez ces autres communautés, des lois que Allah a révélées à ses prophètes par révélation. Cette communauté, Allah lui a fait miséricorde. Et l'eau suffit si de l'urine tache le vêtement de l'un d'entre nous ou la peau de l'un d'entre nous. Si nous versons dessus de l'eau purificatrice, cet endroit-là est purifié. Cela suffit. Mais chez les autres, eux, c'était beaucoup plus contraignant. Remercions Allah pour cet allègement qu'il a accordé à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et veillons à éviter de se salir avec l'urine. Combien de gens vont à leur perte? Combien de gens méritent le supplice dans la tombe? Des jeunes de cette époque. Ils urinent debout sans faire le stinja. Ces gens-là, s'ils n'avaient pas d'autre péché que ce péché-là, cela leur serait suffisant pour qu'ils soient châtiés. S'ils n'avaient rien d'autre, s'ils avaient fait tous les autres devoirs, évité tous les autres péchés, mais qu'ils n'avaient commis que ce péché, c'est suffisant pour qu'ils soient châtiés. L'au-delà est proche. Tout ce qui va venir est imminent. Allah a montré pour des gens qu'ils ont une félicité dans la tombe et pour des gens, ils auront un supplice dans la tombe. Cet homme pour lequel une tombe a été creusée 3 fois, ils ont creusé une première, puis une deuxième, puis une troisième, et à chaque fois, ils trouvaient un serpent qui l'attendait. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Ce n'est pas quelque chose d'habituel. Et c'est arrivé récemment. Habituellement, dans cette région, il n'y a pas de serpent là-bas. Quand des gens creusent des tombes, généralement, ils ne trouvent pas de serpent. Cet homme, soit il faisait partie de ceux qui commettaient ce péché, c'est-à-dire qui se salissaient avec l'urine, soit c'était quelqu'un qui doutait au sujet de la religion. Il n'était pas catégorique à croire que ce qu'a dit notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vrai. Celui qui doute, beaucoup de gens ont dans leur cœur un doute. Beaucoup ont dans leur cœur un doute. Ils doutent de la véracité des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas catégoriques à croire que ce qui est parvenu dans le Coran ou ce que le messager a dit est une vérité. Ces gens-là, quand ils vont mourir, Allah les rétribue justement. Allah les rétribue de la manière dont il rétribue les non-musulmans déclarés. Ceux qui doutent seront traités exactement comme les non-musulmans déclarés, ceux qui ne se réclament pas de l'islam. Ils vont devenir comme eux. C'est-à-dire, ils auront le même traitement. Celui qui doute de l'islam, celui qui doute de la véracité de la parole du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, celui qui doute de la véracité du Coran, il est comme celui qui n'est pas musulman déclaré. C'est-à-dire qui ne reconnaît pas l'islam. Parce que la foi n'est pas réalisée avec le doute. La foi n'est pas effective avec le doute. Celui qui a un doute, il n'est pas croyant. Allah Ta'ala dit « Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Les croyants, ce sont uniquement ceux qui ont cru en Dieu et en son messager et qui n'ont point douté. Le doute contredit la foi. Le doute contredit la foi. Les causes du supplice dans la tombe sont nombreuses. Ce n'est pas une seule chose qui est une cause de supplice dans la tombe. Il y a plusieurs choses qui sont des causes de supplice dans la tombe. Et les plus graves, les plus fortes de ces causes, c'est bien sûr le fait de ne pas être musulman. C'est le fait de douter au sujet de la religion agréée par Allah. Celui qui doute du Coran ou qui doute de ce que le messager a transmis, celui-là, que Dieu nous en préserve, même s'il montre en apparence avec les gens qu'il est musulman, mais Allah Ta'ala, rien n'échappe à sa science. Rien n'échappe à sa science de ce que nous avons dans notre cœur et de ce que nous avons au fond de nous-mêmes. Allah sait absolument toute chose. Si tel est le jugement de celui qui doute, à plus forte raison, le jugement de celui qui remet en cause ce que le prophète Mohammed a.s.w. a dit ou ce que Allah nous a appris dans le Coran. Celui qui considère interdite quelque chose qui est licite dans l'islam. Le prophète nous a appris qu'elle est licite ou le Coran nous a appris que c'est licite. Et il y a unanimité donc et c'est connu par ceux qui les savants et ceux qui n'ont pas appris. C'est-à-dire, c'est connu comme d'évidence que c'est quelque chose de licite. Celui qui dit qu'elle est interdite ou qui croit qu'elle est interdite, il est en train de contredire la religion aussi. Ou l'inverse, à propos d'une chose qui est interdite. Dans le Coran, Allah nous apprend qu'elle est interdite, comme le fait de boire de l'alcool. Celui qui dit que ce n'est pas interdit, ou qui dit « ça ne fait rien de temps en temps, ce n'est pas grave », celui-là aussi contredit la religion. Donc vous voyez combien il faut faire attention, même si c'est par plaisanterie, que la personne est présente à l'esprit, qu'elle rendra des comptes au jour du jugement. La première chose à propos de laquelle la personne sera jugée, c'est est-ce qu'elle était musulmane. Si elle n'était pas musulmane, elle n'aura rien du tout comme récompense dans l'au-delà. Elle n'a pas de récompense. Elle n'aura que du châtiment si elle n'était pas musulmane. Si elle était musulmane, la première chose à propos de laquelle elle rendra des comptes, c'est est-ce qu'elle faisait la prière dans son temps. Si elle était musulmane, la première chose sur laquelle elle va rendre compte, est-ce qu'elle faisait la prière dans son temps. Ça, c'est la première des choses, des actes pratiques, à propos de laquelle la personne sera interrogée au jour du jugement. Parce que Allah dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna thalika liman yasha. » De ce verset, nous comprenons que Allah ne pardonne pas à celui qui meurt non musulman. Mais il pardonne moins que cela à qui il veut. C'est-à-dire que si quelqu'un était mort en étant musulman, celui-là, s'il n'a pas fait tous les devoirs que Dieu lui a ordonné de faire, ou s'il a commis certains péchés et il n'a pas fait le repentir avant de mourir de ses péchés, si Dieu veut, il lui pardonne parce qu'il est mort musulman. Et si Dieu veut, il le châtie, mais son châtiment ne sera pas éternel. Ce n'est pas comme celui qui meurt non musulman. Celui qui meurt non musulman, il restera éternellement dans le châtiment que Dieu nous en préserve. Le musulman qui meurt chargé de grands péchés, Dieu, s'il veut, il lui pardonne parce qu'il est mort musulman. Et s'il veut, il le châtie pour ses péchés. Mais son châtiment ne sera pas éternel. Alors que le musulman qui meurt pieux, que Dieu nous accorde à tous de mourir pieux, celui-là, il n'aura pas de supplice ni de châtiment. Ni de supplice dans la tombe, ni de châtiment dans l'au-delà. Il aura une félicité. Ça, c'est pour celui qui meurt musulman. C'est pour cela qu'il est très important de conserver son islam, de préserver son islam de tout ce qui l'annule et de tout ce qui le rompt, qui est l'apostasie, que Dieu nous en préserve. Et ce qui sauve la personne, c'est d'apprendre la science de la religion. La science de la religion, c'est la vie de l'islam. C'est ce qui permet de garder l'islam vivant dans une région. C'est la science de la religion. La science de la religion, c'est la vie de l'islam. Les gens vont à leur perte s'ils n'ont plus de science parmi eux. S'il n'y a plus de connaissance de l'islam parmi eux, ils vont à leur perte. La science du tawhid, la science de la croyance en l'unicité de Dieu, permet de connaître Dieu. Il ne suffit pas de dire « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah » « Il n'est de Dieu que Allah, Muhammad est le messager de Allah » Ce qui compte, c'est d'en saisir la signification. Ce qui compte, c'est de bien comprendre le sens. Connaître Allah n'a pas lieu en le faisant ressembler à une de ses créatures. Connaître Allah n'est pas réalisé par celui qui assimile Allah à une de ses créatures. Celui qui croit que Allah est un corps, il n'a pas connu Allah. Celui qui croit que Allah est un corps de petite taille ou de grande taille, il n'a pas connu Allah. Le corps, que ce soit le grain de moutarde ou ce qui est plus grand, jusqu'au trône qui est le plus grand des corps, Allah n'a pas créé un corps qui soit plus grand que Al-Arsh, le trône. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas elles-mêmes qui se sont donné l'existence. Ce ne sont pas les corps qui se sont donné l'existence à eux-mêmes. Le grain de moutarde, ce n'est pas lui-même qui s'est créé. Le trône, ce n'est pas lui-même qui s'est créé. C'est Allah qui crée toutes choses. Et Allah, lui qui crée les corps, il n'est pas un corps. Tout comme nous voyons, les corps que nous voyons ne se donnent pas l'existence à eux-mêmes et ne donnent pas l'existence à d'autres corps. Allah qui a donné l'existence au corps, il n'est pas un corps. La science de la religion est une miséricorde de la part de Allah. Celui qui n'apprend pas la science de la religion, c'est comme quelqu'un qui marche dans le noir. Celui qui n'apprend pas la science de la religion, c'est comme quelqu'un qui est en train de marcher dans l'obscurité, là où il y a des épines, des serpents, des tigres et autres. Il est parvenu du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Ad-dunya mal'ouna. Ad-dunya mal'ouna. Mal'ounun ma fiha. Illa dhikrallahi wa ma walah. Wa aliman wa muta'allima. Illa dhikrallahi wa ma walah. Wa aliman wa muta'allima. C'est un hadith rapporté par Ibn Majah. Que signifie ce hadith ? Ce hadith signifie que il y a quatre choses dans ce bas-monde qui comportent du bien. Il y a quatre choses qui, dans ce bas-monde, comportent du bien. Mais tout autre que ces quatre choses ne vaut pas grand-chose. Tout autre que ces quatre-là ne comporte pas de bien. Quelles sont les quatre choses que le messager, alayhi salatu wassalam, a mentionnées ? Il a cité la science de la religion. Pourquoi la science de la religion comporte du bien ? Parce que grâce à la science de la religion, on peut distinguer, on peut reconnaître qu'est-ce qui est une source licite pour avoir de l'argent, qu'est-ce qui est une source illicite. on peut distinguer par la science de la religion quel est le bien licite et quel est le bien interdit. La science de la religion permet à celui qui l'a apprise de consommer de ce qui est licite et de ne pas consommer de ce qui est interdit, de faire le distinguo entre la source de revenus qui est licite et la source de revenus qui est interdite, qui fait mériter le châtiment de Dieu dans l'au-delà. Qu'est-ce qui est un argent qui est acquis d'une voie licite et un argent qui est acquis d'une voie interdite? La science de la religion permet également de connaître quelles sont les paroles qui sont licites et quelles sont les paroles qui sont interdites. La science de la religion permet de connaître quelles sont les paroles qui sont licites, quelles sont les paroles qui sont interdites. Et quand on dit parole, c'est ce qui sort de la bouche et c'est ce qui est écrit, par exemple, au crayon ou tapé sur un clavier. Là encore, il y a des paroles qui sont licites, il y a des paroles qui sont interdites. La science de la religion permet de connaître quel est le regard qui est licite et quel est le regard qui est interdit. Et ainsi de suite, parmi les choses à propos desquelles l'esclave sera interrogé au jour du jugement. Au jour du jugement, l'esclave sera interrogé. Et donc, c'est la science de la religion qui permet de savoir comment agir pour qu'au jour du jugement, on ne donne pas des réponses qui vont nous chagriner. Au jour du jugement, l'être humain sera interrogé à propos de quatre choses, à propos de sa vie, en quoi il l'a passée. Tout comme dans le hadith de Tirmidhi, il sera interrogé, l'esclave sera interrogé à propos de sa vie, en quoi il l'a passée. Est-ce qu'il a passé sa vie dans l'obéissance à Allah ? Où il a passé sa vie dans la désobéissance. Il sera interrogé également à propos de son corps. En quoi est-ce qu'il l'a usé? Est-ce qu'il a utilisé son corps dans des choses utiles ou dans des choses qui sont interdites? Il sera interrogé à propos de son argent, de ses biens. Quelle est la source de ses biens et en quoi a-t-il dépensé ses biens? Il sera interrogé également à propos de la science. Est-ce qu'il a appliqué la science qu'il a apprise? Où il ne l'a pas appliqué. Celui qui prend son argent d'une voie licite et qui la dépense dans une voie licite, celui-là, il fait partie de ceux qui seront sauvés. Quant à celui qui a gagné son argent d'une voie interdite, lui, il rendra des comptes. Même s'il dépense cet argent pour construire une mosquée, même s'il dépense cet argent pour faire un pèlerinage ou ce qui est de cet ordre, tant que l'argent qu'il a obtenu est d'une voie que Dieu a interdite, il va rendre des comptes. Certains construisent des mosquées à partir d'argent qui est interdit. Ils pensent que cela va les purifier de leurs péchés. Or, ceci est une ignorance. C'est une ignorance qui mène à la perte de la personne. Quel que soit l'argent interdit que la personne va rassembler, cet argent va disparaître, va s'estomper. Alors que chacun d'entre nous fasse preuve de piété à l'égard de Allah, que chacun d'entre nous se rappelle de l'au-delà, que chacun d'entre nous se rappelle de la mort. Allah Ta'ala dit: Qul mata'u ad-dunya qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa, dans sourate An-Nisa, verset 77. Les biens du bas monde ne durent pas longtemps. Mais l'au-delà vaut mieux pour celui qui fait preuve de piété. Quels que soient les plaisirs que la personne va se procurer par l'argent qu'elle va avoir, quels que soient les plaisirs qu'elle va satisfaire, nécessairement, elle va laisser tout ça par la mort. Que chacun se rappelle de ceux qui nous ont précédés, qui ont ramassé beaucoup d'argent. Comme Qarun. Qarun, il avait des trésors. Et Allah a fait que la terre l'ensevelisse. Lui, ainsi que sa maison, son or. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays sur terre qui a autant d'argent, autant d'or qu'avait Qarun. Il n'y a pas aujourd'hui un pays sur terre qui a autant d'or qu'avait Qarun. Et également un homme qui s'appelle Shaddad ibn Aad. Allah Ta'ala cite ce qui est arrivé à cet homme dans Sourate Al-Fajr, les versets 6 à 8. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Shaddad ibn Aad a gouverné la terre entière. Shaddad ibn Aad, c'était un roi qui avait à ses ordres 260 rois. C'était lui, il les gouvernait toute la terre. Et il n'était non musulman. Il n'était pas musulman. Il voulait construire une ville qui avait la ressemblance de ce qu'il avait entendu être le paradis. Il lui est parvenu que le paradis avait telle et telle description. Tellement il était orgueilleux, il a dit, moi je le construis cette ville, je la fais construire. Il a rassemblé de l'or, des pierres précieuses, des diamants, et en 300 années, il a fait construire une ville qu'il pensait ressembler au paradis. Et Allah Ta'ala l'a anéanti lui ainsi que son peuple. Avant même de s'installer dans cette ville. Ils l'ont construite, mais avant qu'ils ne s'installent, Allah Ta'ala les a fait mourir. Il est mort à l'âge de 900 ans. Il avait 900 années. Que chacun donc apprenne la science de la religion et enseigne cela à sa famille. Que chacun apprenne quels sont ses devoirs à l'égard de Dieu et quelles sont ses obligations envers les gens, s'il en a. À notre époque, beaucoup de lieux d'enseignement, d'écoles, n'enseignent pas ces sujets qui sont obligatoires. À notre époque, beaucoup d'écoles, pas dans un pays en particulier, presque partout. Il n'y a pas qui enseigne les sujets qui sont obligatoires dans les écoles. Et les parents n'enseignent pas cela à leurs enfants, à la maison. Donc, l'enfant, il l'emmène à l'école, et il partit son temps à l'école, il partit son temps à la maison, dans d'autres lieux. L'école n'enseigne pas et les parents n'enseignent pas. Comment est-ce qu'il va apprendre ? Si l'école n'enseigne pas les sujets obligatoires de la science de la religion, les parents n'enseignent pas. Donc les parents confient leurs enfants à ces écoles et les écoles ne leur enseignent pas. Combien de gens pensaient qu'ils étaient musulmans alors qu'en réalité ils ne le sont pas ? Combien de gens pensaient qu'ils étaient musulmans alors qu'en réalité ils ne le sont pas ? Pourquoi ? Par exemple, ils ont pour croyance qu'Allah, il habite le ciel. Celui qui a la croyance qu'Allah habite le ciel, il n'est pas musulman. Ce n'est pas la croyance des musulmans. Allah, il n'est pas possible de l'imaginer. Nos raisons n'arrivent pas à la réalité de Dieu. Mais nous avons la certitude et nous avons pour croyance intime une croyance qui ne comporte aucun doute, une croyance inébranlable, n'en déplaise aux non-musulmans, que Allah existe et qui n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures. Mais nos raisons n'atteignent pas sa réalité. Nos illusions et nos imaginations ne parviennent pas à la réalité de Dieu. C'est pour cela que les gens de science, qu'ils fassent partie des prédécesseurs, al-Salaf, ou des successeurs, al-Khalaf, c'est-à-dire les musulmans des trois premiers siècles ou des siècles ultérieurs, ils ont dit « Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. » Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Apprenez cette parole et enseignez-la à vos enfants. Elle a été dite par l'imam Ahmad. Elle a été dite par Zunnun al-Musri. C'est-à-dire que tout ce que l'être humain peut imaginer, ce n'est qu'une image. C'est le fruit de son imagination. C'est une créature de Dieu. Et la créature ne ressemble pas au créateur. L'image a une quantité, elle a un comment. Et Allah, il n'a pas de quantité, il n'a pas de comment. Un homme a posé la question à notre cheikh, que Allah lui fasse miséricorde. Il lui a dit, comment est-ce que je peux renforcer ma foi? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ma foi soit plus forte? Le cheikh lui a dit, tu renforces ta foi en multipliant les actes d'obéissance. Tu renforces ta foi en multipliant les actes d'obéissance et en délaissant tes désirs qui sont interdits. Et en délaissant tes désirs interdits. Ceci te permet de commencer à renforcer ta foi. Ceci est pour commencer à renforcer ta foi. Ensuite, lorsque tu persévères sur ce chemin, quel est le chemin ? Multiplier les actes d'obéissance, délaisser les plaisirs qui sont interdits. Quand tu te maintiens sur ce chemin, tu vas augmenter en désir pour accomplir les actes recommandés, les sunan. C'est-à-dire quand tu fais les choses obligatoires pour l'agrément de ton Créateur et que tu te maintiens sur cela, tu vas avoir encore plus de désir à faire les choses en plus, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont recommandées, les sunan. Et celui qui persévère ainsi, il devient un wali, il devient un saint. L'obéissance pour lui est un plaisir. Le saint, le wali, accomplir l'obéissance pour lui est un plaisir. Pour les saints, l'obéissance est un plaisir. Au début, l'obéissance requiert d'aller à l'encontre des penchants de l'âme. Au début, c'est une épreuve. Il contraint son âme pour l'obéissance. Puis, ça devient un plaisir pour lui. Il se procure du plaisir en accomplissant la prière. Quand il sent dans la prière, c'est un apaisement, c'est une sérénité, c'est un repos. C'est un plaisir qu'ils essayent de prolonger. Et notre cheikh nous a parlé d'un homme, un cheikh qui était en Abyssinie. Tellement il était pris dans son plaisir dans la prière, il est resté debout pendant 2 mois. C'est comme s'il n'était plus conscient. Il est parti à la campagne pour faire la prière. Il est rentré dans la prière et ça y est, il est parti. Il est resté ainsi 2 mois. Sans manger, sans boire. Si quelqu'un venait devant lui et lui disait « Bois, prends ça », il n'est pas avec lui, il ne prête pas attention à lui. Ceci s'est produit il y a moins d'un siècle. Et notre cheikh a dit « Moi, je l'ai vu plus tard dans sa ville ». Mais après ça, je ne sais pas comment il est mort. Bien sûr, ce n'est pas une chose habituelle. Pour un saint, c'est un prodige, c'est quelque chose de prodigieux. Mais c'est Dieu qui est le créateur. Ce n'est pas la nourriture qui crée la bonne santé. Et ce n'est pas le manque de nourriture qui crée la mort, ou la mauvaise santé, ou la dégradation de la santé. C'est Dieu qui est le créateur. Cependant, les choses qui ne sont pas habituelles, les choses qui ne sont pas ordinaires, Dieu ne les accorde pas à quelqu'un d'ignorant. Il les accorde à celui, si c'est un prodige, il les accorde aux saints. Au début, les saints combattent leur âme, ils la contraignent. Ils contraignent leur âme de force à accomplir les actes d'obéissance. Puis, l'acte d'obéissance devient un plaisir pour eux. Dans certains cas, il ressent qu'il contraint son âme, mais dans d'autres cas, il est dans un plaisir en faisant l'acte d'obéissance. Mais la base pour tout cela, quelle est-il ? C'est la science de la religion. Apprendre la croyance et les jugements, les lois. Telle chose est licite, telle chose est interdite. Pour accomplir la prière, il faut vérifier telle condition, il faut faire tel pilier. Mais le simple fait d'accomplir des actes d'adoration ne fait pas parvenir à la sainteté. Certains prétentieux, avant d'apprendre la science qui est obligatoire, ils se réclament, ils disent « nous on suit telle voie, telle tariqa » ou « nous on suit tel shaykh ». Ils pensent que le simple fait de faire beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, va les faire atteindre les hauts degrés. Ils pensent que Allah leur donne une science sans qu'ils n'apprennent. Ces gens-là ne vont pas réussir. Ces gens-là ne vont pas réussir. Au contraire, le shaitan peut se moquer d'eux sans qu'ils ne s'en rendent compte. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous accorde une science utile et qu'il nous accorde d'œuvrer conformément à la science que nous apprenons et qu'il fasse que nous soyons de ceux qui appliquent les obligations et évitent les désobéissances, de ceux qui sont préservés, que Dieu nous protège de tomber dans la mécréance sous toutes ses formes, que Dieu nous préserve de tomber dans la mécréance par la croyance, par les actes et par la parole, et que Allah nous accorde de voir notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve nous annonçant la bonne nouvelle, que nous serons au nombre des gens du paradis. Que Allah pardonne à nos parents musulmans ainsi qu'à ceux qui nous ont enseignés et que Allah Ta'ala rétribue en bien notre cheikh, cheikh Abdullah, qu'il le rétribue du meilleur. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم.